Thank you. Thank you. Oh yeah. Allez Beatles, dis-moi où tu vas. Je suis perdu avec toutes les notes que tu joues. J'ai beau écouter depuis le début, je suis perdu, tu es pire que moi.